Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Histoire du travail à domicile, la règle de Saint-Benoît organise la vie du monastère autour de trois piliers, la prière, l'étude des Saintes Écritures et le labeur. Eh bien, nous allons nous pencher sur le labeur des moines. Oui, ils ne sont vraiment moines que s'ils vivent du travail de leurs mains. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'heure de l'oraison serait-elle aussi l'heure des commissions? Le temps du recueillement serait-il celui du ravitaillement? L'abbaye serait-elle une épicerie? Aujourd'hui, nous glissons dans notre cabas une bouteille de bénédictine, liqueur de Fécamp en Normandie à savourer avec modération, quelques bières trappistes évidemment, la Chimay, l'Orval, la Rochefort, des fromages aussi, un Belval de l'abbaye de Belval dans le Pas-de-Calais, ou alors un Campénéac de l'abbaye de la Joie Notre-Dame à Campénéac en Bretagne. Vin, sel, vinaigre, pâté, miel évidemment, bonbons, confiture, des tisanes, des biscuits. Il est possible de trouver un peu de tout et de qualité dans les boutiques des monastères, des bougies, des porte-clés, des masques prophylactiques. Avec une pensée émue au moment de passer à la caisse pour Saint-Benoît et sa règle monastique du VIe siècle qui accorde une grande attention au travail car les moines troquent souvent leur robe de bure pour un bleu de travail. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, le travail, oui, mais le travail à domicile, des paysans hors champ, aux aristocrates, au labeur, des émissions à réécouter, podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, quand les moines quittent leur robe de bure pour le bleu de travail, ils travaillent, mais ils travaillent tout le temps, les moines. C'est ce que va nous expliquer Odon Hurel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du monachisme bénédictin. Vous êtes l'auteur d'une vie de Saint-Benoît, qui est apparu chez Perrin, directeur de recherche au CNRS, et vous avez également publié, alors avec des commentaires, sinon ça n'aurait pas grand intérêt, Les Bénédictins, la règle de Saint-Benoît, c'est chez Robert Laffont. Il y a quelque chose qui peut nous émouvoir en évoquant cette règle de Saint-Benoît. Dites donc, c'est drôlement vieux. C'est du VIe siècle, et avec le monachisme, nous avons une volonté de figer les choses, de reproduction, même si souvent c'est une façade. Mais il faut vraiment rappeler que cette règle de Saint-Benoît date du VIe siècle, c'est-à-dire à un moment où il y a toute une réflexion sur que veut dire être moine, qu'est-ce qu'un moine, comment cela se construit. Qui est Saint-Benoît ? Alors Saint-Benoît est un homme né dans la région de Rome, pas très loin de Rome. C'est quelqu'un qui est né vers 480 et qui est mort aux alentours de 547, 550, 560. De toute façon, il est mort. Donc même si nous ne sommes pas sûrs de la date de son décès, on peut l'envisager à peu près à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a été élevé à Rome, qui a quitté Rome happé un peu par la fuite du monde, la sortie du monde, l'appel du désert, quelque chose qui est très traditionnel dans le christianisme ancien, et donc il est tout à fait héritier de cela. Et il commence par être ermite, et puis peu à peu va construire une vie monastique cénobitique, c'est-à-dire communautaire, communautaire en groupe, ce qui signifie toute une organisation qui gère la vie quotidienne des moines d'une communauté comme de toute communauté. Il apparaît aussi à un moment où, en Occident en tout cas, les règles se développent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de règles monastiques. Benoît n'est pas du tout la seule. La seule chose pour Benoît, c'est que il a réussi quelque chose, c'est que sa règle elle-même est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'il va à la fois dans les détails, mais pas trop. C'est-à-dire qu'elle est transposable. Il a rien fondé à part des monastères. Il a pas fondé l'ordre bénédictin. Il a pas décidé je vais fonder un ordre monastique. Ça n'existe pas à l'époque. Donc, il fonde des monastères, des communautés, pour lesquelles il donne un règlement extrêmement pragmatique. Donc, issu d'un héritage oriental très fort, mêlé à sa personnalité à lui et à l'épreuve de la vie en tant que comment on anime des disciples, une communauté, voilà, et comment se définit un rapport au monde qui fait que le moine est en dehors du monde quelque part, mais il est aussi pleinement quelque part intégré aussi dans ce monde d'où il vient de toute façon. Odon Hurel, il y a ce schéma classique, ce topos dans la vie de Benoît, hein, celui qui se fait ermite, qui veut se retirer du monde et puis qui est appelé pour fonder une communauté. C'est ce jeu qui est très intéressant au VIe siècle et qui correspond à vraiment cette mise en place dans l'histoire du christianisme des communautés religieuses. Où faut-il se placer? Complètement hors du monde, comme un ermite? C'est pas si bien vu que ça. Il faut être dans le monde, mais pas complètement dans le monde. Benoît, et pas Saint Benoît, lui est dans toutes ses réflexions d'une mise en place, et vous nous l'avez dit, il y a cette notion de règle. Il y a aussi une volonté de contrôler la vie de ses moines pour pas que ça dérive dans du n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une règle parce que c'est un des principes de la vie communautaire, c'est-à-dire que pour Saint Benoît, pour Benoît dans sa règle, il faut un abbé, une communauté, un lieu et une règle, c'est-à-dire qui permet véritablement et l'abbé est soumis à la règle, hein, le supérieur est soumis à la règle, il n'est pas en dehors, à accompagner une communauté vers un même chemin. C'est des gens qui viennent d'horizons divers, mais qui vont dans un même chemin, qui est tout simplement le chemin du retour à Dieu. Faut jamais oublier ça. Hein. Voilà. Et tout est concentré là-dessus. Tout fonctionne par rapport à ça. Hein, Et on peut parler d'une réussite. On peut parler d'une réussite de cette règle parce que Odon Hurel, c'est bien le VIe siècle avec Benoît et sa règle. Je vous propose une archive qui nous conduit au XXe siècle, le 28 octobre 1964, quand le pape Paul VI se rend au Mont Cassin, Monte Cassino. Ce Mont Cassin, cette abbaye de Saint-Benoît, détruite, et ça reste un traumatisme encore aujourd'hui pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape Paul VI vient consacrer l'abbaye reconstruite après la guerre. Dans le décor tragique du Mont Cassin, qui garde le souvenir de l'une des plus sanglantes batailles de la dernière guerre, Paul VI est venu consacrer la nouvelle abbaye, réplique fidèle de celle qui fut détruite voici 20 ans et qu'avait fondée Saint-Benoît au VIe siècle. À cette occasion, le Saint-Père devait proclamer Saint-Benoît patron et protecteur de l'Europe. Un des hauts lieux de la chrétienté a retrouvé le monastère millénaire que les bombes avaient bouleversé. Le Mont Cassin, l'abbaye de Saint-Benoît, donc au XXe siècle, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Odon Hurel, j'évoquais cette réussite de Benoît, de Saint-Benoît, de la règle. Il faut tout de suite expliquer combien les bénédictins, cette notion de règle bénédictine, en fait, draine le monachisme, l'ensemble du monde religieux, mais durant un millénaire, plus d'un millénaire. Oui, c'est-à-dire que Benoît tout seul n'aurait rien fait. Hein. C'est-à-dire qu'il est bien tombé avec Grégoire le Grand qui a écrit sa vie dans les années 592-593, un genre littéraire hagiographique, avec des codes un petit peu d'écriture, mais qui a porté en fait et diffusé la personne, la vie et la règle, et qui a été ensuite soutenu par les Carolingiens, par les pouvoirs de l'Église en particulier, et ce qui fait que la règle n'a réussi qu'elle a été parce qu'elle a été aussi un enjeu politique. Hein. Un enjeu politique à plusieurs époques. Cluny, on peut parler de Cîteaux même, quelque part, avec la réforme de Bernard, mais les cisterciens sont des bénédictins. Hein. Ils suivent la règle de Saint-Benoît. Hein. Il ne faut pas les opposer. Et ça a parcouru comme ça les siècles. Ça les trappistes. Les trappistes, après. Nombreux, hein. la réforme de Saint-Maur au XVIIe siècle, et l'érudition et le travail érudit dont on va peut-être parler. Et puis, la réforme de Solesmes au XIXe siècle, la restauration, et celle de la Pierre qui vire. Donc on a cette espèce de mouvement qui fait que la règle elle-même n'existe pas, n'aurait pas pu vivre sans ça, et sans le fait qu'elle ouvre à l'adaptation permanente. Et l'adaptation permanente touche évidemment aussi l'organisation, la justification et la question même du travail. Qu'est-ce que les moines font? Les moines, ils travaillent pas au VIe siècle comme ils travaillent au XXe siècle. Et ils n'ont pas les mêmes outils, les mêmes besoins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir suivre ça, en fait. Odon Hurel, peut-on dire que c'est une idée révolutionnaire au VIe siècle de la part de Benoît d'associer le travail manuel à la prière? Et j'insiste bien sur cette notion de travail manuel parce que dans la règle de Saint Benoît, souvent nous résumons cela à prière et travail. Mais la question est beaucoup plus complexe en vérité. On va dire que tout est travail. Le moine est en en activité permanente, alors quelle que soit cette forme d'activité. Oui, il y a deux principes. Le principe ora et labora, et qui date pas du tout de l'époque de Benoît, hein, prix et travail, est quelque chose qui est très réducteur, en fait. C'est que il y a le temps du travail parce que le moine doit tout simplement vivre de son travail. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation du travail qui est une valorisation aussi tout à fait spirituelle du travail. C'est-à-dire qu'il y a, le travail est aussi, dans le travail, on peut aussi participer à la prière et à développer un rapport aussi à l'humilité, combattre l'orgueil, faire le travail pas pour soi, en fait, mais pour une communauté. Et ça c'est évidemment extrêmement important, et ça rejoint la question de l'équilibre entre la prière collective, l'Alexio Divina, qui est encore autre chose, qui est en fait une forme de prière plus qu'un travail, c'est-à-dire c'est la lecture méditée des Écritures et de certains textes patristiques, et puis des pères de l'Église, et puis le travail, qu'il soit manuel ou pas, mais qui reste une activité productrice de quelque chose, qui est productrice de bien, qui est productrice de savoir, et qui permet de transmettre et de pérenniser aussi un établissement monastique. Et donc cette règle est très précise, hein. Vous l'avez publiée au Don Hurel, avec des commentaires chez Robert Laffont. Dans cette règle, il y a tout un aspect consacré au travail. Je vous propose un extrait de cette règle. C'est une lecture, pas par n'importe qui, c'est une lecture par Michael Lonsdal, qui nous a quitté récemment. Ce qui concerne le travail dans la règle de Saint-Benoît, lecture par Michael Lonsdal. Chapitre 48. Du travail manuel de chaque jour. L'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Voilà pourquoi c'est un devoir pour les frères de s'occuper à des moments déterminés au travail manuel, et en revanche à des heures déterminées en lisant la parole de Dieu. Si la situation locale rend nécessaire, ou si la pauvreté exige qu'ils s'occupent eux-mêmes à faire les récoltes, qu'ils ne s'en attristent pas, car alors ils sont vraiment moines, s'ils vivent du travail de leurs mains comme nos pères et les apôtres. Que tout se fasse cependant avec mesure, à cause des petits courages. Voilà, les petits courages. Michael Lonsdal qui lit ce passage de la règle de Saint-Benoît qui concerne le travail. Il y a ce mot que nous entendons, il faut combattre l'oisiveté. Alors il y a une volonté aussi dans cette règle, hein, c'est vraiment occuper le moine toute la journée. C'est devenu quelque chose de, évidemment, de très... On connaît bien cette expression « l'oisiveté est l'ennemi de l'âme hein ». Donc effectivement, il y a ce travail. Il faut occuper le moine, mais il faut l'occuper à la fois l'occuper pour qu'il puisse faire ce qu'il peut faire, en fait. Il faut faire en sorte qu'il s'épanouisse dans le travail. Donc, il faut lui trouver des occupations, et elles sont multiples dans un monastère, pour pouvoir aussi se recentrer et ne pas se disperser, hein, c'est clair, se recentrer sur sa promesse de vie monastique dans un même lieu. Hein. Chez Saint-Benoît, c'est quand même ça, c'est la stabilité dans le lieu, c'est-à-dire théoriquement, et pour les moniales encore plus, dans un même lieu pour toute la vie. Donc il faut arriver à construire ça, à construire quotidiennement. Après, il y a travail et travail, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a des travaux qui s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire à tour de rôle, on va servir à table, par exemple. Il y a le travail ménager, comme dans n'importe quelle famille, hein, je dirais. Il y a ce partage là, comme ça, et ça doit tourner, hein. Ça tourne. Il y a ce travail là. Il y a le travail de gestion économique, hein, parce que le moine, il y a la pauvreté, mais la pauvreté est individuelle chez les bénédictins, elle n'est pas collective, au sens, le monastère peut être très riche, c'est absolument pas un souci, mais alors il y a ce travail-là, donc il y a cette gestion-là, donc il y a des moines, et la règle de Saint-Benoît en parle, il y a le cellerier, il y a le procureur, il y a des moines vraiment chargés de la gestion, qui sont en contact avec l'extérieur, beaucoup plus, et Benoît essaye de faire en sorte que, leur dire, faites attention, de pas vous laisser en embarquer vers le monde en étant gestionnaire. Et je pense à une réflexion assez récente d'un abbé d'un monastère cistercien qui me disait comment arriver à être toujours moine dans un contexte où il faut être aussi chef d'entreprise. Donc comment arriver à tenir l'équilibre, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Oui, le mot a été prononcé au Don Hurel, c'est ce mot d'équilibre. C'est un équilibre fragile entre un monastère, par définition fermé, une communauté, mais qui, en l'occurrence, est ouverte au monde, mais qui ne peut pas être complètement ouverte. Et cela, en fait, explique les adaptations possibles, alors selon les siècles, selon aussi certaines considérations de ce que doit être la vie du moine. Selon les siècles, déjà, la règle bénédictine, et c'est ça qui est intéressant par sa souplesse, a pu être adaptée. Alors, elle a été adaptée et on peut dire que elle a été relue de façon permanente. C'est-à-dire, l'histoire de la tradition bénédictine est comme de toute tradition et monastique en particulière, passe par des périodes de crise, de questionnement, d'oubli un peu des principes. De pauvreté, d'humilité, d'obéissance, de vie commune, et puis il retourne périodiquement. Hein. On le connaît à plusieurs périodes, on le connaît au cours du Moyen-Âge, on le connaît au XVIIe siècle de façon extrêmement nette, on le retrouve encore au XIXe siècle, et on revient toujours, on revient à la règle. Et à partir de ce moment-là, l'organisation et les choix même des activités des moines, et des activités en particulier qui leur permettent de vivre, c'est-à-dire vous parliez en introduction des magasins monastiques. Alors j'étais très frappé d'ailleurs que vous n'avez pas parlé, parce que c'est un signe des temps ça, et c'est extrêmement intéressant, vous n'avez pas parlé des livres et des disques par exemple. C'est vrai. Et non, mais c'est pas du tout un reproche, c'est extrêmement révélateur d'une chose qui rejoint ce que me disait l'ancien abbé de Ligugé, le père Longeat, un jour. Maintenant, les magasins monastiques, ils gagnent plus leur vie avec les livres et les disques, ils gagnent avec le miel. Le miel, avec les confitures, avec les gâteaux, avec tout ça. Donc on sent, certains monastères comme Saint-Vendry très récemment se sont mis à faire de la bière, alors qu'avant ils ont fait des produits d'entretien, de la cire, etc. Ils ont fait des tas d'autres choses. Donc on sent cette adaptation permanente au monde, parce que tout simplement il faut vivre. Et puis les communautés, elles évoluent aussi, leur composition, leur moyenne d'âge, enfin il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Hein. Benoît dit bien, il y a un chapitre où il dit « Peut-on obéir à des choses impossibles ?» des choses impossibles. Et là, c'est un rempart extraordinaire que met Benoît à l'autorité du supérieur, c'est qu'il dit « Le moine doit recevoir en obéissance l'ordre, d'accord, ok, mais doit tout de suite aller voir le supérieur éventuellement pour lui dire « Oui, mais comment je fais ? Moi, je sais pas faire, j'ai pas les moyens, je suis trop fatigué, je ne sais pas. » Et dans ces cas-là, l'abbé réfléchit pour lui redonner confiance peut-être aussi, puis lui dire « Si, ou alors lui retire cette fonction, par exemple, et ce travail. » Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, tout à fait. Et ce retour à la règle que vous évoquez au Don Hurel, qui se produit sans cesse, siècle après siècle, à un moment on se dit « Ah, il faut retourner à la règle », et là, nous l'entendons bien, on revient à la règle quand il y a un souci. On évoque Benoît. Benoît, au VIe siècle, on ne connaît pas grand-chose de lui. Hein. Vous nous avez dit que nous avons sa vie écrite par Grégoire le Grand, mais c'est tout. Enfin, c'est une vie de saint classique. Alors, c'est une vie de saint classique. Certains ont pu s'amuser à douter même de l'histoire, enfin de l'existence. La personne, de l'existence, pardon, de Benoît lui-même. Et dans l'absolu, on pourrait se poser la question. Cette vie est publiée dans les livres des dialogues de Grégoire le Grand. Il y a 4 livres des dialogues. Deux autres livres plus exactement, sont consacrés à des vies de saints. Alors il y a des chapitres après des vies de saints locaux italiens, de moines, évêques, etc. Et puis tout d'un coup, il y a le livre de Saint Benoît. Et donc, le livre de Saint Benoît, donc à l'intérieur, tout il se met en scène, en fait, quelque part, les principes de la règle illustrés par la vie. Et les deux textes vont ensemble tout le temps. Et les deux textes seront diffusés ensemble. Et Benoît, donc il y a beaucoup de miracles, évidemment. Il se bat toujours avec le diable et il gagne toujours. Et souvent, les scènes où il se passe des miracles sont des scènes, en fait, de travail, hein, la construction du monastère, un mur qui s'effondre, une cuisine qui prend feu. On voit des moines en situation de travail, tout simplement. Et c'est dans ce cadre-là que Benoît illustre l'obéissance, l'humilité, la persévérance, la nécessité aussi qu'un monastère, ça se construit. matériellement, c'est physique, ça se voit, et ça se construit matériellement et spirituellement, et ça correspond très bien à l'idée de cet équilibre entre travail et prière au continu dans toute la journée des moines. Et puis cet équilibre entre la règle de Saint-Benoît et la vie de Saint-Benoît, écrit par Grégoire le Grand, qui est fondamental parce que sans cesse, à travers les siècles, ce sont les textes vers lesquels on regarde quand on veut se référer, quand on veut revenir à la règle. Je vous propose un extrait des dialogues de Saint Grégoire le Grand, donc qui concerne la vie de Saint Benoît. Donc là, nous sommes à la fin du VIe siècle, dans les années 590 à peu près. Un texte qui nous est lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Élodie Hubert. Un certain Goethe, pauvre en esprit, vint pour se convertir à la vie monastique et l'homme de Dieu Benoît le reçut très volontiers. Il ordonna qu'on lui donne une faux afin qu'il coupe les ronces. Comme ce même Goethe, à cause de l'épaisseur du roncier, y allait de toutes ses forces, le fer, se détachant de son manche, alla voler dans le lac. Le serviteur de Dieu Benoît, apprenant la chose, se rendit sur les lieux. Il prit le manche de la main du Goethe et le mit dans le lac. Aussitôt, le fer remonta des profondeurs et se réajusta sur le manche. Sur le champ, il rendit son outil au Goethe en lui disant « Tiens, travaille et ne sois plus triste. » Travaille et ne sois plus triste. Les Goths, ces terribles barbares, ces païens, sont convertis par Saint Benoît dans les dialogues écrits par Grégoire le Grand. Au Don Hurel, nous avons ici un texte, évidemment c'est une vie de saint, c'est quelque chose qui est attendu. Mais ce texte-là, allié à la règle de Saint Benoît, va drainer la vie de milliers, sans doute des dizaines de milliers même, de bénédictins à travers les siècles. Est-ce que ce texte-là est une référence ou est-ce qu'il est regardé à partir du XVIIe, XVIIIe siècle de manière éloignée? Ça reste toujours quelque chose qui sert de référence? Alors je pense oui, ça reste une, c'est un texte de référence, c'est un texte qui est très très riche, parce qu'il met d'abord en situation le fait qui est très important chez Benoît dans sa règle, c'est le monastère accueille tout le monde, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit, voilà, ça c'est tout à fait fondamental. Et là, on est en présence d'un go ou d'un goth, comme on veut, en plus d'un converti, quelqu'un qui, Benoît lui dit pas « prends un livre et va t'asseoir », donc un moine qui défriche. En fait, donc ça, c'est tout à fait l'image des moines qui, effectivement, pendant toutes ces périodes et au cours du Moyen-Âge, continuent à défricher, à construire leurs espaces, leurs espaces de vie. Ça, c'est important. Donc, il y a cette image-là. Et il y a cette image du travail manuel qui n'est pas du tout dévalorisé. Et ça, c'est extrêmement important dans la vie monastique parce que on a toujours l'image, enfin souvent l'image des moines dans leur scriptorium, des copistes, ceux qui transmettent le savoir, qui ont des bibliothèques immenses, surtout à la période moderne avec l'imprimerie ou la période contemporaine, et ça c'est tout à fait vrai, et on oublie que la vie monastique c'est pas ça, et le travail des moines c'est pas ça, ou c'est pas seulement ça, c'est aussi le travail au champ, c'est aussi l'entretien des vergers, c'est aussi de repeindre des cellules, c'est aussi des tas de choses. Et qui ont la même, qui ont quelque part, je pense véritablement chez Benoît, la même valeur parce que elles permettent de faire en sorte que chaque moine ait une utilité et se sente utile à la communauté et pour sa vie et pour la vie du monastère. Oui, parce que c'est ça, il faut le rappeler sans cesse, hein, l'objectif, c'est le chemin qui conduit vers Dieu. Et le moine, toute sa vie, construit ses actions, ses occupations, sa pensée dans cette réflexion d'aller vers Dieu. Et le travail s'inscrit parfaitement dans cette démarche-là, ce qui est quelque chose de très compréhensible, intellectuellement, hein, bien sûr, mais qui est aussi extrêmement pratique, parce que ça résout le problème de qui s'occupe du monastère, vous nous l'avez dit, au Don Hurel, mais qui va repeindre les cellules, et ça donne une réponse aussi à d'où peut venir l'argent qui sert à acheter des choses que le monastère ne produit pas, même s'il y a le fantasme de l'autarcie. Donc il y a pour expliquer le succès de cette règle de Saint-Benoît, tous ces paramètres-là, ça fonctionne de manière concrète. Ah oui, oui, oui, ça fonctionne et je trouve que dans l'histoire, on a, il y a des moments qui illustrent parfaitement ce retour à la règle en période de crise. C'est les moments où on a oublié la gestion commune. C'est-à-dire toute la fin du Moyen-Âge, le début de la modernité, en fait, distribue les fonctions avec des revenus à chaque moine. Et donc, du coup, il n'y a plus de gestion commune, il y a des gestions individuelles. Et à ce moment-là, la vie commune explose et le monastère ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus selon cet esprit-là, ne peut plus fonctionner puisqu'il y a des intérêts particuliers au sein du monastère. Et une grosse partie, vraiment un élément essentiel des réformes du XVIIe siècle par rapport à ce retour à la règle, c'est de ramener la gestion à une gestion commune. Et la revalorisation, en fait, du travail de gestion du cellerier, qui fait que les moines, mais encore à l'heure actuelle, au moins en théorie, hein, un moine qui enseigne à l'Institut catholique, qui enseigne à l'École pratique des hautes études, ses revenus ne reviennent pas dans sa poche. Reviennent les droits d'auteur pour des livres reviennent à la communauté et sont gérés de façon communautaire. Après, Benoît est très très fin, c'est-à-dire il prévoit aussi que chacun ait ce dont il a besoin, qu'il n'ait pas à se retrouver frustré parce que ça ne va pas, il ne peut pas parce qu'il n'a pas ce qu'il faut, etc. pour travailler. Donc chacun doit avoir vraiment ce dont il a besoin. Mais on a là vraiment ce lien entre une vision très très commune du travail et la gestion qui va avec, la gestion humaine et la gestion financière, tout simplement, des biens du monastère. Alors, nous parlons évidemment de la règle de Saint-Benoît, parce que, Audon Hurel, vous êtes l'auteur de la biographie de Saint-Benoît chez Perrin, vous êtes l'auteur des Bénédictins, la règle de Saint-Benoît chez Robert Laffont, collection Pouquin. Mais il ne faut pas oublier que dans ce grand mouvement monacal, il y a aussi d'autres moines qui font ça. Il y a Saint-Dominique, par exemple. Et à ce moment-là, je dois vous avouer que hier, nous nous sommes réunis avec toute l'équipe du cours de l'histoire. Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Odile Joissel, Valentine Lovrens, Maïwenn Guizhou, Milena Elig. Et puis, il y avait aussi Éric Lancien qui réalise l'émission avec aujourd'hui à la technique Laurie Vachon. Et nous avons fait comme un mini-synode. Nous avons réfléchi, nous sommes dit, au moment d'évoquer Saint-Dominique, allons-nous oser? Alors, nous, oui, nous l'avons osé. Désespéré pour les auditeurs qui vont peut-être avoir cette chanson toute la journée, mais c'est Dominique par son sourire. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Et avec Sœur Sourire, dans le cours de l'histoire qui chantait en 1962, Dominique. Donc, les Dominicains, il faut le rappeler, hein, au Don Hurel, parce que bon, ces Dominicains, on entend la Dominique, il ne fait rien que se balader, il ne parle que du bon Dieu. Alors que Benoît, lui, Saint Benoît, il prêche le travail manuel. Quand on réfléchit au monde des moines et au travail, c'est vrai que c'est l'idée toujours de bénédictins qui arrivent, hein, c'est ceux qui viennent de Saint Benoît. Oui, oui, mais c'est pas du tout exclusif, évidemment. Et d'ailleurs, la chanson aurait fait sourire, je sais pas si elle aurait fait sourire Don Guéranger qui restaurait le chant grégorien au 19e siècle en France, mais cela étant, les Dominicains, oui, il faut pas oublier non plus que Benoît, dans sa vie d'ailleurs, sort du monastère à plusieurs reprises, hein, sort du monastère, il a un rôle d'une sorte de pastoral de proximité, à tel point que dans sa vie, il y a un moment assez intéressant où il y a un prêtre séculier, donc un prêtre pas moine, quoi, de paroisse, on dirait maintenant, qui devient jaloux parce que finalement, on dirait maintenant, ses paroissiens vont tous chez Benoît et puis il a plus grand monde dans son église, on pourrait simplifier comme ça. Et du coup, c'est comme ça que Benoît ment à une tentative d'empoisonnement de la part de ce prêtre, et ce qui prouve bien qu'il y a une attractivité très forte. Il y a une attractivité très forte, et à certaines périodes de l'histoire, et en particulier à la période carolingienne, mais pas seulement, et avant, et au début, dans au 7e, 8e, 8e siècle, on a quand même un rôle important des moines qui vont prêcher, qui vont convertir, hein, certaines régions au christianisme. Donc les moines, à certains moments, sont autorisés, parce que c'est l'utilité de l'Église, sont autorisés à sortir. Alors c'est encore plus vrai, des moines que des moniales, qui ont un régime de clôture historiquement extrêmement strict, qui est lié à d'autres raisons, hein, sur l'image de la femme dans l'Église, l'image de la femme dans la société, plein de choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc là, c'est quelque chose d'important, hein. Il ne faut pas imaginer les moines tout le temps objectivement enfermés en autarcie, qui doivent absolument... Non, il y a aussi ce travail au service de l'Église, parce qu'il y a une affirmation très très forte, hein, de proximité avec l'Église. Il y a des grands abbés de Cluny qui ont joué des rôles politiques même. Enfin, c'est important, hein, c'est... Et bien d'ailleurs, au Don Hurel, vous évoquez Cluny, on peut ajouter à cette action hors du monastère ce rôle d'acteur économique majeur. Là, par les monastères bénédictins, nous avons dans la société, nous pourrions dire du Moyen-Âge, mais c'est encore la même chose dans les temps modernes, et ensuite un acteur économique majeur, mais de tout type, c'est-à-dire construction des paysages. Il y a le moment où les vignes sont plantées. Il y a vraiment une maîtrise du territoire et une action qui va favoriser le commerce de tout type. Oui, il y a ce travail-là qui est très très fort de... Oui, on a parlé des défrichements, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire une action effectivement économique très forte, et donc du coup sociale aussi. Il y a un travail social des monastères en termes d'accueil, en termes d'aumône historiquement. On parle souvent de mouvance laïque des ordres religieux et des communautés. On sait très bien qu'autour de monastères souvent ruraux se sont constitués des petites villes, voilà. Et tout ça c'est un marqueur très fort de cette dynamique-là. Et si Paul VI, dont on entendait tout à l'heure évoquer en 1964, là, la restauration du Mont Cassin. Si Paul VI a choisi aussi Benoît comme patron de l'Europe, alors que Benoît, c'est évidemment aussi pour cette image de l'action civilisatrice. Ça a été quelque chose de très fort, qui est un concept un peu historiographique né à la période moderne et à la période contemporaine, et au 19e siècle en particulier, où on a construit cette espèce d'image parfaite des moines civilisateurs. Oui, les moines civilisateurs, parce que il y a un réseau d'abbayes. Alors, nous évoquons Cluny en réseau d'abbayes, mais en fait, tous les différents ordres possibles ont développé des réseaux, et c'est vrai que cette notion européenne est prégnante. Oui. Tout à fait. On a l'image des réseaux cisterciens. Enfin, il suffit de se promener un peu hein, en France ou en Europe hein, pour se rendre compte. Et même après au XIXe siècle, il y a ces diffusions vers l'Amérique. Ensuite, au XXe siècle, dans les aires coloniales, en fait, hein, des grands pays européens, se sont construits, diffusés comme ça le modèle monastique, avec fatalement là aussi, on en revient à quelque chose de très important, c'est des adaptations qui concernent aussi bien le mode de vie, l'habillement, même la construction des monastères, à des lieux différents, et donc aussi du travail et des horaires de travail et plein de choses qui sont différentes parce que Benoît, dans sa règle, dit voilà, je vous dis ça, grosso modo, mais si vous trouvez mieux ou s'il faut l'adapter au lieu et au temps, il faut le faire. Donc, il n'y a aucun scrupule par rapport à ça. Du moment qu'on reste dans le cadre spirituel, organisationnel, fondamental, en fait, de la règle. C'est ça, c'est cette souplesse de la règle de Saint Benoît qui explique son succès, et notamment en ce qui concerne le travail. Tout le monde ne doit pas travailler dans un monastère. Certains ne peuvent plus, ils sont trop vieux, ils sont handicapés, ils ne peuvent pas. Le travail, en tout cas, est adapté à la personne. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a de retraite, on va dire, véritable, au sens que nous le connaissons dans le monde. Mais il y a effectivement des moines... pour des raisons évidemment de santé, d'âge tout simplement, qui ne peuvent plus travailler. Et comme la règle oblige pas, parce que quand c'est pas possible, c'est pas possible, mais insiste pour que les moines restent jusqu'à leur mort dans leur lieu, hein, dans leur lieu de vie. Hein, l'importance de l'infirmerie chez Benoît et dans sa règle est quelque chose de très net. Et d'ailleurs, il faut que des moines soient prêts à être infirmiers. Alors, soit ils sont infirmiers de formation et ils sont dans le monastère, soit ils accompagnent, ils ont cette fonction et leur travail dans le monastère et d'accompagner les moinagers. Et cette adaptation du travail est d'autant plus importante maintenant, depuis une quarantaine d'années, que les communautés sont souvent quand même vieillissantes, moins nombreuses que dans la grande période de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, où évidemment, quand vous avez une centaine de moines, dans les mêmes monastères maintenant, il n'y a plus que 20-25 moines. Et donc, il ne faut pas non plus que, par exemple, des jeunes moines se retrouvent finalement avoir une vocation de moine et se retrouver en EHPAD, quoi. Et à accompagner des moines âgés. Et ça, c'était sans doute pas leur vœu le plus cher. Et donc voilà. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptation. Et c'est pour ça que certains monastères, je pense, depuis toujours, ont réorganisé leur travail et leur mission en termes de travail et d'artisanat en fonction aussi de leur capacité humaine à le faire, à gérer les choses. Hein, parce qu'il y a eu toujours, et il y a encore maintenant, du personnel laïque hein, qui travaille auprès des monastères. Il y en a toujours. Hein, certains tiennent le magasin, d'autres travaillent vraiment plus à la gestion. Il y a toujours eu ça, c'est pas nouveau du tout. Mais c'est vrai que ça devient compliqué quand il faut que l'équilibre soit maintenu. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste du travail monastique dans l'esprit quand même. Hein. Voilà, c'est dans compliqué. Cet esprit, c'est un travail monastique. Et depuis que nous discutons au Don Murel, nous sentons toujours ces questions d'équilibre, de paradoxe. Il faut surveiller tout pour que cette règle extrêmement souple et adaptable reste et demeure efficace. Mais elle l'est avec, au plus près de l'individu, une organisation du temps. Hein. Nous avons parlé du temps très très long où cette règle, sans évoluer dans le temps, est adapté à différents moments. Mais si nous regardons le temps beaucoup plus court d'une existence, voire d'une journée de moine, il y a aussi une organisation. Je vous propose d'écouter combien pour un moine de l'abbaye dans Calca, donc c'est dans le Tarn, combien pour ce moine l'activité manuelle artisanale est essentielle. C'est sur l'ORTF, c'était en avril 1972. Dans notre vie monastique, il est absolument nécessaire que nous ayons une activité manuelle artisanale. D'abord, pour que nous gagnions notre vie, et ensuite, pour que nous puissions garder notre équilibre psychologique. En 1925, on m'avait demandé de m'intéresser à la reliure. Nous avons commencé d'une façon comme des bricoleurs, avec un matériel extrêmement restreint. Petit à petit, nous sommes perfectionnés et maintenant, eh bien, nous travaillons comme des artisans avec un matériel qui est très convenable, très satisfaisant pour l'instant. En ce moment, voyez-vous, je suis en train de débrocher une revue qui sera cousue dans 2-3 jours et qui, dans quelques temps, pourra être rendue au client qui nous l'a confiée. À côté de moi, j'ai le père Antonio qui, lui, restaure en ce moment-ci un livre ancien. C'est un genre de travail auquel nous nous livrons de temps en temps. Voilà, de temps en temps. Au Don Hurel, nous l'entendrons. Hein. Grande attention portée aux livres. Alors là, nous étions en 1972. Vous nous l'avez rappelé maintenant, c'est beaucoup plus le miel et les biscuits. Mais le travail reste là. Non, le livre reste très important dans les monastères, évidemment. La journée est scandée, en fait, par le travail. Oui, la journée est scandée. Alors, soit on parle par le travail ou par la prière, en fait, les deux. Ça dépend de quel côté on se place. Je dirais plutôt par la prière. Hein, qui est, puisque vous avez une série d'offices, donc un office nocturne, voilà, qui peut être en pleine nuit, qui peut être ramené le soir à 21h30 ou autre chose comme ça, qui peut être très tôt le matin à 4 ou 5 heures du matin. Ça dépend des traditions, ça dépend des lieux, ça dépend des communautés. Hein, il vaut mieux qu'il y ait tout le monde plutôt que 3 moines seulement sur 25 parce que les autres sont trop fatigués. Hein. Donc voilà, il y a cet office de nuit et puis surtout après, il y a les offices du jour. Alors maintenant, il y en a un de moins, mais grosso modo, très tôt, il y a l'aude et puis après, il y a prime, puis il y a tierce. Vers, on va dire, 10 heures par là. Et puis, juste avant 13 heures, avant le repas, il y a sexte. Juste après le repas, il y a none. Et puis, en fin d'après-midi, il y a vêpres. Et puis, il y a compli. Et après, c'est le silence de la nuit. Et compli, c'est vers 20h30. Et les moines arrivent. Et les moines ont ces temps de travail. Ces temps de travail entre chaque. Voilà. Ou parfois un temps de repos après none un peu ou après le déjeuner. Ou parfois un temps aussi de lectio divina. Et évidemment, le dimanche, on ne travaille pas. S'il y a bien un lieu où il ne faut pas travailler, c'est dans la tradition monastique. Hein, le dimanche, on ne travaille pas et on lit beaucoup le dimanche, sauf ceux qui sont obligés de travailler parce qu'il faut servir à table, parce qu'il faut être à la cuisine, parce que ça, c'est normal. Mais il n'y a pas de travail. Il y a du travail parfois communautaire aussi. C'est-à-dire de l'épluchage de légumes, la cueillette des pommes, enfin voilà, des choses comme ça, qui sont communautaires. Donc il y a un moment très important de la vie commune dans le travail aussi. Il faut pas l'oublier. Hein. C'est extrêmement important. Et puis il y a le travail plus solitaire en cellule ou ailleurs. Et évidemment le travail, le rapport au livre reste essentiel, hein. Même à l'heure actuelle, on a encore évidemment des très grandes bibliothèques, des moines qui se forment, des moines en externe ou en interne, des moines qui écrivent des livres, des moines qui publient, voilà. On a encore évidemment cette dimension-là, qui est un petit peu moins marquée parce que après Vatican II, on va dire, après Vatican II, la sociologie du recrutement monastique s'est élargie, en fait. Et on n'est plus moine parce qu'on est intello, quoi. Enfin, c'est une caricature, c'est une vraie caricature. Oui, hein, mais ça aide à comprendre. Mais ça aide à comprendre, voilà. Hein, et cette image, voilà, du moine érudit qui a porté, et du moine qui transmet des connaissances, qui transmet depuis les scriptoriums du Moyen-Âge, du Haut-Moyen-Âge, jusqu'aux périodes les plus récentes, encore dans les années 50, 60, 70, est vraiment une image très très forte qui donne à la tradition bénédictine un rapport au travail intellectuel réel. Cette tradition bénédictine que vous évoquez au Don Hurel nous conduit au VIe siècle. Le VIe siècle avec cette continuité et une image sans doute faussée d'un monde qui ne bouge pas. Or, ce monde bénédictin est aux aguets des progrès techniques. Et dans le travail, ces progrès-là sont censés être intégrés. Vous connaissez bien ces monastères, vous les avez visités, vous avez discuté. Tout ce qui se passe dans le monde, dans le siècle, dans la réalité, est pris en compte dans le travail de ces monastères. Oui, comme ça a été